Audiomatique. Nous en sommes à la transmission 106 d'Audiomatique et les électronistes vous présentaient pour l'introduire une reprise de la célèbre chanson de Serge Gainsbourg « Je t'aime, moi non plus » exécutée par l'artiste allemand Sven Feith et l'artiste française Caroline Hervé, ou si vous préférez, Miss Kitten. On retrouvait cette reprise sur l'album de Sven Feith « Fire » paru en 2002 et on la retrouve également sur le nouvel album de Miss Kitten intitulé Kitten Collection qui regroupe différentes pièces que Miss Kitten a produites en collaboration avec d'autres artistes. La chanson originale de Serge Gainsbourg a été enregistrée en 1967 avec Brigitte Bardot, puis en 1969, il la réenregistre avec cette fois Jane Birkin. La chanson est aussi associée à la bande originale du film de Serge Gainsbourg, Je t'aime moi non plus, lancé en 1976. La plupart du temps, l'artiste crée les bases de son son dans un environnement clos. Il expérimente avec les sons. Il ajoute des séquences, des couches synthétiques, des rythmes, des mélodies, des échantillons, des textures. Le contact du récepteur avec l'œuvre musicale acquiert un premier niveau de sens lorsqu'il écoute les compositions, les apprécie, les assimile dans un environnement décontextualisé. Mais c'est lors d'une performance publique, dans le contact avec les créateurs de l'œuvre musicale, que celle-ci atteint un deuxième niveau de sens pour le récepteur. En assistant à un concert, l'auditeur accède à un point de vue multidimensionnel, une immersion dans un environnement créé par les artistes pour donner un sens dirigé à l'œuvre musicale grâce à des projections, des jeux d'éclairage et une interaction avec le public. C'est ce que feront les membres de la formation québécoise Beat Market lors du concert qu'ils offriront au public trifluvien ce vendredi 21 octobre dès 20h au Centre culturel Pauline Julien situé sur la rue Fusée à Cap-la-Madeleine. En attendant d'y assister, écoutons sans attendre la pièce Human de leur premier album Red Magic. We'll be right back. time. Härter und schneller, the bodies move. Schulter an Schulter, skin feels smooth. Heiß und Schweiß, still so cool. Der Schlag auf den Amboss and the night comes through. à Audiomatique, c'était Moby and the Void Pacific Choir, nom du projet de l'artiste Richard Melville Hall pour son nouvel album intitulé These Systems Are Falling. Mélangeant cette fois électro et musique rock avec une touche industrielle, Moby présente un disque à la fois énergique et engagé, comme vous avez pu le constater avec la pièce Almost Love que nous avons entendue. Avant Moby and the Void Pacific Choir, nous écoutions la pièce Der Amboss du groupe Die Krups, pièce qui s'appuie également sur la contribution vocale de Client B, pseudonyme de la chanteuse Sarah Blackwood, ex-membre de la formation Client. La pièce Der Amboss est exclusive à l'anthologie Too Much History de Die Krups. Et on amorçait la séquence musicale avec la formation québécoise Beat Market et sa pièce Human tirée de son premier album Red Magic. Rappelons que Beat Market sera en concert ce vendredi 21 octobre au Centre culturel Pauline Julien de Trois-Rivières et ce dès 20h. Le réalisateur sud-africain Rudolph Betengak a récemment lancé son nouveau film Selling Isobel et le collectif Holowex on a réalisé la bande originale de laquelle nous entendons à l'instant la pièce Discode Audiomatique. Précédemment, à l'insertion publicitaire, nous entendions en conclusion de cette séquence musicale à Audiomatique le duo britannique Blanc Mange et la pièce Holiday Camp, tirée de leur premier mini-album Irene and Mavis, paru en 1980. Précédemment à Blanc Mange, il s'agissait de leur compatriote Simon Shackleton, que l'on a aussi connu en tant qu'Elite Force et également comme membre de Lunatic Calm. Ici, il nous offrait en solo la pièce Carnival of Souls, remixée par lui-même sous le nom de Eyes to the Skies Remix. Et pour amorcer le segment, le collectif Holowex nous présentait la pièce Discode, tirée de la bande originale du film Selling Isobel. Pour en savoir davantage sur Holowex et pour télécharger gratuitement la pièce Discode, vous n'avez qu'à visiter leur site situé à l'adresse olowex.com. Le projet Relay One nous transporte maintenant dans un style que l'on pourrait qualifier de post-dubstep. les artistes Bill Leeb et Rich Fulber joignent leurs forces et leurs talents de compositeurs pour nous offrir Mythology, le tout nouvel album du projet Delirium. Fidèle à la formule développée au cours des deux dernières décennies, Delirium nous propose un album d'électro mélangeant pop et trip-hop et s'appuyant sur une sélection de chanteuses qui apposent leur voix sur des mélodies synthétiques. Toutefois, la pièce que nous avons écoutée, soit « Seven Gates of Thebes », est l'une des deux compositions instrumentales de l'album. Et avant Delirium, nous entendions le projet Relay One et sa composition Out There in the Dark qui se retrouve sur la toute nouvelle compilation Frequencies of the Mind Volume 3, produite par l'étiquette de disque Mind Trick Records. Comme à chaque transmission, nous en arrivons à un moment où il faut conclure ce que l'on a débuté. Et pour confirmer que nous en sommes à la conclusion de l'émission, nous vous faisons l'annonce que dans les prochaines secondes, nous entendrons deux dernières pièces, soit dans l'ordre Kodak Ghosts Run Amok de la formation britannique Eyeless in Gaza et Funeral Pyre, interprété par le duo américain Phantogram. La transmission 107 sera présentée comme à l'habitude en direct du studio de CIFU 89.1 FM mercredi prochain dès 17h. Entre-temps, n'hésitez pas à vous rendre sur notre profil facebook.com/audiomatique-CFOU afin d'accéder à toutes les anciennes transmissions d'Audiomatique ou encore à visiter notre profil mixcloud.com/audiomatique. Les électronistes qui vous remercient de votre attention et qui vous invitent à écouter, comme annoncé, Eyeless in Gaza, suivi de Phantogram. À la semaine prochaine. Tune.